Le plus sûr, comme tous les lundis en direct à partir de 21h30 et des poussières, juste après l'excellente émission Stone Circus sur l'antenne de Canal B, également diffusée sur son blog asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/redman. Ça c'est pour l'écoute en streaming et évidemment toutes les playlists qui sont à jour sur ce même blog. Cette semaine, émission en cette veillée de Noël qui ne sera pas du tout consacrée aux festivités, mais une émission de nouveautés. Donc je me suis dit que vous étiez suffisamment gâtés par toutes les nouveautés de l'asile chaque semaine, et donc on va récidiver avec un programme encore fantabulesque. Et on démarre avec une réédition d'une cassette obscure d'un personnage qu'il est encore plus. Il s'agit de André de Saint-Aubin et l'album Sound on Sound, réédité par le label Corm Plastics. Alors Sound on Sound, c'était une cassette qui était sortie sur Ding Dong Records and Tapes, un label qui avait produit en son temps pas mal de choses, notamment les Légendes de Red Pink Dots, les Belges Bene Gesserit ou encore le Bel Canto Orchestra de Pascal Comelade. Pas beaucoup d'informations autour de ce fameux André de Saint-Aubin, qui devait être un Hollandais dans une école d'art à Arnhem, quelque chose comme ça, au début des années 80. Il a sorti cet unique album ainsi qu'un 45 tours, également chez Ding Dong, sous le titre La Voix qui rit. Alors autant dire que c'est une réédition salutaire pour cette cassette Sound on Sound, qui est vraiment exceptionnelle, une sorte de mélange entre Suicide et Solicus par exemple, un mélange de boîte à rythme et de synthé guitare épileptique, des vocaux nihilistes du plus bel effet. On va écouter un extrait de cette cassette Sound on Sound de André Saint-Aubin avec le titre plutôt long qui démarre cet album, donc réédité en vinyle accompagné d'un CD avec des inédits sur le label Corm Plastics Division Plinky Diplong. Et on écoute l'introduction qui sera suivie par My Dirty Self par André Saint-Aubin. Thank you. deux petites sucreries du début des années 80 pour démarrer l'asile de cette semaine. Tout d'abord, la redécouverte de Monsieur André de Saint-Aubin et son fameux disque sorti en cassette en 1982, Sound on Sound. Tirage évidemment Happy Few. La cassette avait perduré dans les mémoires collectives grâce à quelques blogs qui continuaient à la partager ces dernières années. Et le label Corm Plastic, dont s'occupe le fantastique Franz de Vard, qui officie dans Capote Musique et Big Queen, et qui est aussi un chroniqueur avisé des musiques de traverse dans son magazine et maintenant webzine Vital Weekly, s'est décidé donc à ressortir cette cassette en vinyle à l'identique. Et en vinyle donc avec les deux faces d'origine et en CD avec quelques inédits. Le 45 tours par contre n'a pas été réédité sur cette anthologie, on pourrait dire, des œuvres de Monsieur André de Saint-Aubin, puisqu'il a officié uniquement vers 1982. Après, on a perdu complètement sa trace et c'est bien dommage. C'est lui qui faisait entièrement tout sur ce projet, donc autant les boîtes à rythme que guitare, voix et aussi synthétiseur et batterie. On écoutera certainement d'autres extraits dans de futures émissions L'Asile le plus sûr de ce Sound on Sound de André de Saint-Aubin, qui était enchaîné avec un nouvel extrait de cette double anthologie Science Fiction Park Bundesrepublik, publiée par Finder Keepers dans sa subdivision Cache Cache, qui est une compilation de titres du début des années 80, enregistrés en République fédérale allemande. C'était des choses qui étaient sorties en cassette et qui sont reparues à la surface grâce à Félix Kubin, qui les a compilées donc sur ce double 33 tours, avec un très beau livret d'ailleurs pour accompagner, et des choses, quelques groupes un peu connus sur cette double compilation, notamment les fameux Derplane ou encore CHBB, avec les membres de Liaison Dangereuse et aussi des gens qui ont participé au tout démarrage d'Einstürzen de Neubotten. Il y a aussi Holger Hiller sur cette compilation, et là on écoutait un truc totalement inédit, Das Klug avec Die Bombe. On continue avec cette fois-ci des Italiens qui sont des jeunes musiciens, Andy Music. Il s'agit d'un trio qui mélange matrock et une certaine approche du funk de manière un peu libre. Leur album s'intitule Heavy Dance. Il est sorti sur le label Awand. Je ne sais pas trop comment ça se prononcerait ça en italien, AUAND, qui est un label assez prometteur, qui est basé dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, dans la province de Bari, sur la mer Adriatique. Quant à Andy Music, c'est un trio qui est basé, lui, à Rome, et on va écouter le titre qui démarre ce disque, Evidence, par Andy Music. We'll be right back. Une séquence très contrastée qui a démarré avec le trio Andy Music en un seul mot et attaché. Andy avec un Y pour la musique de ces Italiens, Manlio Maresca à la guitare, Giulio Scarpato à la basse et Enrico Morello à la batterie. L'album s'intitule Heavy Dance, je pense que c'est leur premier, le premier album de ce groupe de Rome. C'est sorti sur le label Auand, A-U-A-N-D, qui s'est spécialisé dans le jazz contemporain plutôt pas mal. On aura sans doute l'occasion de reparler de ce label dans de prochaines émissions, l'Asile le plus sûr. Andy Music qui était enchaîné avec Tetema et l'album Geodicol qui vient de sortir sur IPCAC. Tetema, qui est le nouveau projet du pioniste et multi-improvisateur Anthony Pateras, agrémenté des borborythmes dérangés et pour le moins psychotiques de Mike Patton himself, ainsi qu'une dizaine de musiciens dévots, dont le batteur Will Guthrie, qui est présent sur le 3/4 de ce disque Geodicol, ce qui n'est pas très étonnant vu le compagnonnage entre Anthony Pateras et Will Guthrie, notamment au sein du groupe Timo Phtalein, qui doit d'ailleurs sortir très prochainement une deuxième galette. Alors apparemment, pour ce projet Tetema, Pateras se serait retiré dans un couvent dans le sud de la France pendant une dizaine de jours pour méditer sur le son et sur le rythme. Puis, suite à ça, il a fait un petit tour de tous ses potes pour enregistrer avec eux. Et il s'est envolé par la suite pour Los Angeles pour finaliser ses bandes en compagnie de Mike Patton. Alors le résultat est assez étonnant et renoue avec tout ce que Patton a pu produire par le passé, notamment au sein de Mr. Bungle ou encore de Fantomas. Fantomas qui est un projet qui devrait d'ailleurs reprendre du service avec un nouvel opus apparaître chez IPCAC très prochainement sous le titre Wonder Kammer. Quant à Face No More, le projet assez mythique de Mike Patton, il s'est reformé il y a de ça quelques années. Ils se produisent notamment dans des festivals de manière assez sporadique, mais ça devient de plus en plus concret puisqu'un nouvel album a été enregistré cet automne et devrait paraître au printemps 2015, et c'est leur premier disque à Face No More depuis 1998. Mais on revient vers Tetema, donc ce nouveau projet de Mike Patton en compagnie de l'Australien Anthony Pateras, avec un second extrait et sans doute le titre le plus réussi de ce disque. Le morceau s'intitule « 10 Years Tricked » par Tetema. Yeah. Running fast. Running fast. Falling down like wet sand. It never really ends. What I take and what you give. The water and the sieve. Of your life, always lie. Your car, your wallet, your wife, your look, or lack thereof, at peace. Not brought by phantom, not really seeming, running fast. Dans l'asile le plus sûr, un conte de Noël, plutôt deux contes de Noël, le disque de Tetema Geodicol, qui doit être un jeu de mots sur génocidol ou quelque chose comme ça, qui est donc le projet du multi-instrumentiste australien Anthony Pateras aux côtés de Mike Patton et de pléthore de musiciens dont son compatriote Will Guthrie, batteur bien connu sous nos contrées puisqu'il est basé à Nantes. Will Guthrie qui a d'ailleurs une nouvelle cassette de ses compositions pour batterie, ou plutôt de ses improvisations, compositions ouvertes sur diverses percussions. C'est paru sous le titre Step It Stone sur le label Monophonus Presse dans sa petite subdivision Astral Spirits, avec laquelle ils sortent des cassettes vraiment très très réussies. Donc un nouvel opus autour de la musique de monsieur Will Guthrie, et la musique de Tetema était enchaînée avec la rencontre entre Zoo et Eugene Robinson, et le disque The Left Hand Pass, c'est sorti sur Trust Records, qui est un label autrichien qu'on passe assez régulièrement dans l'asile le plus sûr. J'avais d'ailleurs hésité à vous proposer aussi le disque qui vient de sortir entre Thurston Moore et The Thing, le projet de Mats Gustafsson avec Pal Nissen Love. Mais donc là, il s'agissait de Zoo avec Eugene Robinson, collaboration à distance entre le combo italien qui lui aussi est revenu sur le devant de la scène en 2014 avec un EP qui était sorti au printemps dernier sous le titre Good Night Civilization. Et donc cette fois-ci, il s'agit d'un album long sur lequel ils ont invité le légendaire chanteur ex-membre de Oxbow. Alors c'est totalement différent de ce que produit Zoo habituellement. Ça n'a rien à voir avec leur croisement math, metal, jazz. Cette fois-ci, le gang du bassiste Massimo Pupillo s'est mis plutôt à l'électroacoustique, lui il officie à la guitare et les autres à l'électronique. Ils ont enregistré de leur côté, puis ils ont envoyé les bandes à Eugene S. Robinson en toute confiance, vu ses talents d'écrivain et de preacher de spoken words crépusculaires, tel qu'on a pu l'entendre ces dernières années, notamment aux côtés de Chouchou ou encore de Philippe Petit. Et donc sur ce The Left Hand Past sorti chez Trust, on retrouve une vingtaine de titres pour un véritable conte de Noël noir par Zoo et Eugene S. Robinson. On continue avec une séquence d'ambiante drone qui va démarrer avec un album qui marque la rencontre cette fois entre Frank Breschneider, qu'on connaît surtout pour son travail en solo, notamment pour le label Rasternoton et sous l'alias Comet, qui officie souvent sur synthé modulaire, mais avec un travail plutôt très très fin en électronique contemporaine. Il est rejoint par le plasticien sonore adepte de Field Recordings, originaire de Los Angeles, Steve Roden, pour un disque sorti sur le label Line en CD sous le titre Suite Nuit, qui est une composition électroacoustique qui avait été créée sur commande pour le festival Parochial à Berlin en 2004. Donc il s'agissait d'une nuit qui mélangeait artistes visuels et sonores à l'église Parochial de Berlin, donc, et donc c'est réuni sur un seul et même album, en fait deux pièces. Une pièce qui consiste en la version live qui avait été donnée cette même nuit-là en 2004 et la répétition qui l'avait précédée. On écoute la musique de Frank Breschneider en compagnie de Steve Roden. une séquence à rallonge de nouveautés ambiantes dronesques pour passer la Noël dans le cosmos, qui a démarré avec le micro modular de Frank Brechtsteiner en compagnie de Steve Roden, qui lui utilisait de la pédale guitare, des micro contacts et des field recordings sur le disque Suite Nuit, sorti chez Line, qui était enchaîné avec le projet Nil et le disque Phobos, sorti sur la petite subdivision du label Imego Spectrum Spool. Phobos, du nom du plus grand des deux satellites de Mars, et Nil, qui est la moitié du duo italien de techno Voices from the Lake, à savoir Giuseppe Tilici, qui est un musicien qui est basé à Rome et qui a un parcours assez similaire à son collègue de Voices from the Lake, Donato Dozzi, qui lui aussi a sorti des trucs plutôt assez réussis dans le côté ambiante drone et électronique un peu expérimentale sur Spectrum Spool, notamment des très beaux mix à partir de la musique de Bimask. Et le projet Nil était enchaîné avec un troisième Lascar en la personne de Evan Caminiti et son disque Coiling, sorti sur les éditions Dust. C'est le sixième album de la moitié du duo Dune Drone Psyché Californien Barn Hall. Evan Caminiti, qui est tout aussi prolifique que son acolyte de Barn Hall, John Porras, qui lui aussi a publié pas moins de 3-4 albums sous son nom ces dernières années. Et comme toujours pour Mr. Caminiti, c'est de la très belle ouvrage, avec des pièces coulées dans le marbre ou dans l'acier d'une usine désaffectée, des mélanges de signaux électriques, de grésillements industriels, de gaz d'échappement. Bref, une belle séance d'hypnose sonore, comme à son habitude, le disque Coiling par Evan Caminiti. On va continuer avec cette fois-ci des sonorités un peu plus acoustiques et la musique du trio Batave qu'on adore dans les îles le plus sûr, Cactus Truck, qui viennent de faire paraître un tout nouvel album sur le label polonais Note en CD. C'est sorti cet automne sous le titre Caesure Palace, et comme toujours Cactus Truck est constitué du saxophoniste ténor et alto vociférant John Dickeman, du guitariste et bassiste Jasper Stathouders et du batteur Ono Govert. On leur avait consacré pas moins de 2 émissions d'une heure et demie autour de leur musique, et aussi des jeunes scènes hollandaises du jazz free noise et un peu punk sur les bords. C'est toujours disponible d'ailleurs sur le blog de l'Asile, asile35.blogspot.fr, et on avait eu l'extrême honneur d'assister à leur incroyable concert à la Maison de la Grève le 12 mai dernier à Rennes. On écoute un extrait de ce Caesure's Palace, qui est d'ailleurs le nom d'un studio d'enregistrement à Brooklyn qu'ils utilisent de temps à autre. On écoute le titre bien nommé de Cactus Truck, Drones. We'll be right back. Une triplette de jazz free pour conclure l'asile de cette semaine qui a démarré avec donc le titre de Cactus Truck, extrait de leur album Caesar's Palace, le retour des époustouflants et revigorants Cactus Truck, le combo batave qu'on avait eu la chance d'écouter en concert au printemps de cette année à Rennes, à la Maison de la Grève, qui était enchaîné avec d'autres Hollandais et ou plus exactement un projet autour du, je crois qu'il est plutôt basé en France d'ailleurs, l'ancien bassiste de ZX, Luc X, et sa basse électroacoustique en compagnie d'App Bars. Alors lui, il est vraiment hollandais, au sax ténor, clarinette et shakuhachi sur cet enregistrement. Ingrid Laubrock, qui doit être plutôt allemande, si je ne m'abuse, au sax ténor et soprano. Et Amit Drake à la batterie, c'est le Luc X Assembly, extrait de ce disque éponyme sorti cet automne chez Red Note, la propre marque de disque de Luc X, un florilège de titres enregistrés en concert. Et pour ma part, moi, je me souviendrai toujours de leur excellente prestation en compagnie d'un combo un peu plus élargi où il y avait Verian Weston au piano. C'était un projet qui était co-leadé par Luc X et Verian Weston, le sol 12, c'était au festival de jazz du Mans. Le Luc X Assembly qui était enchaîné avec ce troisième titre, extrait d'un très beau coffret qui illustre la musique du trio The Residence, trio britannique dans lequel officie ou officiait plutôt le regretté saxo-clarinettiste Lol Coxhill, qui ne dédaignait pas le fait de pousser la chansonnette et aussi d'utiliser différents objets. Il était en compagnie de Mike Cooper aux guitares, la guitare à l'horizontale et déconstruite dans tous les sens au sein de ce projet qui avait démarré dans les années 80, et à la batterie percussion très très fluide et très inventif, c'était Roger Turner. Ils avaient démarré au milieu des années 80, ils avaient sorti notamment des choses sur le label de Jean Rochard Natto et le label autrichien, je crois, Freeform Association, vient de rendre hommage à la musique des Residents avec un coffret sous le titre Wishing You Were Here, quintuple CD de concerts. Ce qu'on entendait était enregistré, je crois, à Waterloo en 1985. Il y a autrement des concerts de toute époque, hein, 85, 95, 2000, 2002, 2008, sur ce quintuple album CD autour de la musique des Residents, Wishing You Were Here. Voilà, l'émission L'Asile le plus sûr est quasi terminée. Je vous souhaite bien évidemment un joyeux Noël, tout plein de bonnes choses et de joie dans les cœurs. On va se quitter avec un dernier titre. La semaine prochaine, je ferai une émission best-of rétrospective avec les disques qu'on a beaucoup aimés de cette année 2014. Donc ce sera sans doute un top 15 comme les années précédentes, cette émission spéciale de l'Asile le plus sûr de lundi prochain. On va se quitter avec un dernier titre qui est plutôt une sorte de hors-spiel, on pourrait dire encore un conte de Noël. Cette fois-ci, il s'agit de David Sylvian, l'ex-Japan, qui s'est fendu d'un disque entre électro et musique contemporaine et improvisation sous le titre « There's a light that enters the houses with no Hauser House Insights. Il a sorti ça sur son propre label Samadhi Sound et on y retrouve un récitant Franz Wright, qui est un poète qui récite son propre recueil Kinder Totenfold. Et on y retrouve aussi Christian Fénès, John Tilbury au piano et David Sylvian, officier à l'électronique et au laptop. C'est un petit bijou d'ambiante musique façon Robert Ashley. Et ce sera une très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Be it ever so scarred and unstable, the table you write at belongs right in front of a mirror. So spoke the battered master. To my knowledge, the single author, that magnificent and winged lunatic Rambo, ever deigned to admit admiration for. Think of it. At this time, the poet was fortunate to have the use of a table and mirror, not to mention a room where he could concentrate, as he occasionally managed to do, in spite of the distractions involved in dealing with some of the semi-literate individuals who then, as now, were known to enter the literary profession, as if for the sole purpose of hounding and tormenting anyone with a poor judgment to show some actual talent for writing. I have a preference for blank walls myself, though I certainly never would have said so in his presence. In his presence, I very much doubt I would have been capable of articulating opinions or thoughts on any subject whatsoever. Windows are out, however. No windows. I have enough trouble with what I can see through the wall. Only a minute ago, I was watching him pass by, and to judge by the look on his face, I am afraid he was going through one of his brief stretches of addresslessness, caught between the gentle hospitalities of one poetry-loving landlord and the next. The austere amenities of one unflushing toilet of an apartment and another. He was limping slightly, as though he had on two left shoes. Finally stopping to rest on a vacant park bench. It wasn't raining that hard. Vomiting tactfully first in some bushes nearby. Probably nothing, a touch of opiate withdrawal. There'd been no indication of alcoholic seizure. And as it was relatively unlikely that food had been ingested in a while, he made no mess to speak of. A mere ounce or so of some sort of green liquid, which blended in well with that damp and verdant scene. As he did not appear to be carrying a notebook, thankfully, there would be no need to make use of his aching knees, which had so often served quite nicely as a desk, that allowed him to hunch his thin shoulders and slowly bend forward to shield his page from the various forms of precipitation so prevalent in his part of the world. Evidently, he'd misplaced his pen, as sometimes happens, so his left hand would not be required. to take the place of stationery. He was spared as well the possibility of injuring himself as he had once, unfortunately, during a mild and near unprecedented instance of self-mutilation. Well, there had been no more than a few shallow puncture wounds, resulting from the understandable frustration that might accompany being reduced to recording on his own flesh one of the few lines of genuine poetry ever written. He remained on his bench for an immaculately inconspicuous and legal length of time, his somewhat deranged head all the roof he'd be enjoying for a while yet. His only mirror, a shocking but swiftly curtailed couple seconds of eye contact with an elderly woman who happened to turn to him in passing, her crumpled, thrown away face. Putting up his collar, he slowly got to his feet, staggering in a manner that was practically unnoticeable, and doing a marvelous impression of somebody not crushed by dread as he moved on, soon lost from sight in the rain, which was not really falling that much harder.